cours de littérature par Alphonse de Lamartine. Deuxième entretien. Le mot littérature vient du mot littera, qui signifie lettre. On a pris ainsi la partie pour le tout. Les lettres sont des signes qui, en se réunissant et en se combinant de diverses manières, d'après les règles convenues de la grammaire, forment des mots. Les mots contiennent des idées. Les idées contenues dans les mots s'enchaînent d'après les règles d'une logique intérieure et forment des phrases ou des sens plus complets. Les phrases, en s'enchaînant et en se développant à leur tour, déroulent un plus grand nombre d'idées, de sentiments ou d'images à l'esprit, de manière à communiquer plus fortement à celui qui lit ou qui écoute la pensée ou l'émotion de celui qui lit ou qui parle. C'est le phénomène moitié matériel, moitié intellectuel, de la translation de la pensée de l'un dans l'esprit de l'autre ou de la pensée d'un seul dans l'esprit de tous. Ce phénomène de la translation de la pensée de l'esprit de l'un dans l'esprit de l'autre était nécessaire dans le plan divin pour que l'homme puisse communiquer à l'homme. Sans cette communication de l'homme vivant à l'homme vivant et de l'homme mort à l'homme qui naît sur la terre, l'homme serait resté un être éternellement isolé, le grand sourd et muet des mondes. Il y aurait deux hommes et il n'y aurait point eu de société humaine, il n'y aurait point eu d'humanité. C'est la littérature qui opère ce phénomène de la transmission de l'âme, non plus d'un homme à un homme, mais d'un siècle à cent autres siècles. Elle est la répercussion du son, du signe, du mot, de la pensée, jusqu'à l'infini. C'est l'écho universel et éternel du monde pensant. L'homme est un être expressif. Comment s'opère cette répercussion mystérieuse de la pensée à la pensée? Par les langues. Que sont les langues? Les langues sont les signes et les sons qui expriment la parole. Qu'est-ce que la parole? Le corps de l'esprit, pour ainsi dire. La parole est si inconcevable qu'il faut ces deux mots contradictoires pour en donner seulement l'idée, le corps de l'esprit. On a écrit des volumes de controverses sans solution pour discuter sur l'origine de la parole. Les uns l'attribuent à une révélation directe du Créateur à sa créature, les autres en attribuent l'invention à l'homme par une lente élaboration de l'instinct, cherchant par des sons et par des signes à se faire entendre et à comprendre. Voici ce que nous écrivions nous-mêmes récemment sur cette question, ou plutôt sur ce mystère. Nous plaignons sincèrement les philosophes qui discutent depuis des siècles pour savoir si c'est l'homme qui a inventé la parole. Nous aimerions presque autant discuter pour savoir si c'est l'homme qui a inventé la pensée, c'est-à-dire si c'est l'homme qui s'est créé lui-même. Car il nous est aussi impossible de concevoir la pensée sans la parole, qui lui donne conscience d'elle-même, que de concevoir la parole sans la pensée qui la constitue. L'homme a pu inventer les langues dérivées, qui ne sont que les modifications d'une parole primitive et révélée. Il a pu construire et reconstruire des langues postérieures et imparfaites, avec les débris de la langue primitive et parfaite qui lui fut sans doute donnée avec l'existence par celui qui lui avait donné la pensée, ou le verbe intérieur et extérieur, mais avoir créé la langue avant la pensée, ou la pensée avant la langue, nous sommes l'un effort au-dessus de tout effort humain, c'est-à-dire un miracle de la toute-puissance. La parole contenue dans la première langue a dû être révélée divinement à l'homme le jour où l'âme a pensé, c'est-à-dire le jour où elle a été créée avec la faculté d'avoir des sensations, de produire et de combiner des idées, d'avoir conscience de son existence et des choses existantes en elle et hors d'elle. Avec cette révélation probable de la parole parlée, ou de la langue innée, est née aussi la première littérature du genre humain, autrement dit, l'expression de l'humanité par la parole, c'est-à-dire encore le seul lien intellectuel possible entre les hommes, c'est-à-dire enfin cette société intellectuelle d'où devait découler et se perpétuer l'esprit humain. L'homme est donc un être qui a besoin de s'exprimer au dedans et au dehors pour être un homme, et qui n'est un homme complet qu'en s'exprimant. La parole ou la langue est donc, selon nous, une des fonctions les plus organiques de l'humanité, car on ne peut concevoir une humanité sans parole. Le jour où elle a vécu, elle a parlé. Quant à la parole écrite qui a produit la lecture, et par la lecture la littérature, on conçoit très bien que cet art d'écrire les signes et les sons ait été inventé par l'homme. Il n'y a rien là qui dépasse ses forces. Du moment où Dieu lui avait révélé divinement la parole et l'intelligence de la parole, il lui avait donné par là l'instrument nécessaire et facile de toute convention et de tout progrès. L'homme parlant a pu dire à l'homme comprenant, « Convenons entre nous que tel signe signifiera aux yeux ou à l'esprit telle chose ou telle idée, et qu'en lisant ce signe sur le sable, sur la pierre, sur le papyrus, sur l'écorce, sur le vélin, sur le papier, nous croirons entendre tel son, voir telle image, concevoir telle idée. Rien de plus simple. L'homme n'était plus placé pour inventer l'écriture dans le cercle d'impossibilité où il était placé pour inventer la parole. Ce cercle d'impossibilité où il fallait la parole préexistante pour convenir de la signification de la parole, où le muet devait parler au sourd et où le sourd devait entendre le muet. Aussi, toutes les traditions antiques parlent-elles d'un inventeur ou de plusieurs inventeurs de l'écriture, mais aucune ne parle de l'inventeur de la parole. Or, du jour où la parole donnée par Dieu fut écrite par l'homme, l'homme, comme être sociable, expressif et perfectible, fut achevé. Examinons, disions-nous encore, ce que c'est que l'homme. Oublions que nous sommes nous-mêmes une de ces misérables et sublimes créatures appelées de ce triste et beau nom dans la création universelle. Échappons, par un élan prodigieusement élastique, de notre âme immatérielle et infinie, à ce petit réseau de matière organisée de chair, d'os, de muscles, de nerfs, dans lequel cette âme est mystérieusement emprisonnée. Supposons que nous sommes une pure et toute-puissante intelligence capable d'embrasser et de comprendre l'univers, et demandons-nous, qu'est-ce que l'homme ? L'homme est une petite pincée de poussière organisée, poussière empruntée pour quelques jours à ce petit globule de matière flottant dans l'espace appelé par nous la Terre. Qu'est-ce que cette Terre ? On n'en sait rien. Peut-être une éclaboussure ignée de lave refroidie, lancée avec une impulsion rotatoire par quelque éruption d'un volcan céleste. Peut-être un grain de poussière éthérée, soulevé dans sa course par le vent de quelque astre démesuré de grandeur. Peut-être un atome de fumée émané tout noir et tout calciné de quelque foyer de soleil. Peu importe. Cependant, l'incalculable petitesse et la prodigieuse insignifiance numérique de cet atome, comparée à l'immensité de l'espace et au nombre des mondes qui le peuplent, devrait donner quelque mépris aux hommes et aux peuples qui s'acharnent à s'en disputer des surfaces inaperçues, ou à se créer sur ce néant d'espace et de temps ce qu'ils appellent des mémoires éternelles. L'homme, considéré comme être corporel, n'est donc rien sur une planète qui est elle-même moins que rien. Mais l'homme, considéré comme ce qu'il est, c'est-à-dire comme être à deux natures, comme point de jonction entre la matière et l'esprit, entre le néant et la divinité, change à l'instant d'aspect. L'homme atome noyé dans un rayon perdu de soleil et qui se confondait par son imperceptibilité avec le néant, se confond tout à coup par sa grandeur avec la divinité. Pourquoi ? Parce qu'il pense. Et pourquoi pense-t-il ? Parce qu'il a la parole, parce qu'il s'exprime, parce qu'il accumule, à l'aide de cet instrument, des langues parlées et écrites, des sentiments, des idées, des vérités, des adorations qu'il élève de son néant jusqu'à l'infini. Considérez sa structure. Vous reconnaîtrez que chacun de ses organes corporels, autrement dit ses sens, n'a pas d'autre objet que de mettre son intelligence ou son âme en communication avec le monde extérieur qui l'enveloppe, de lui donner une sensation, de produire en lui une idée, de lui faire comparer en lui-même ses sensations et ses idées, et enfin de les exprimer pour lui-même ou pour les autres, ou, ce qui est plus beau, pour Dieu par la parole. La parole qui dit « je vis », la parole qui dit « je pense », la parole qui dit « j'adore », mot sublime et final, où se résume toute la création. Un vermisseau, mais un vermisseau parlant, résumant l'univers et Dieu dans une pensée. Voilà donc l'homme. Ôtez-lui la parole ou la littérature, se résumait de lui-même et de l'univers, ce n'est plus qu'un vermisseau. Ôtez-lui son enveloppe infime et matérielle, ce n'est plus un vermisseau, c'est un dieu. Mais laissez-lui à la fois cette enveloppe matérielle des sens qui le dégrade et cette pensée parlée qui le divinise, ce n'est plus ni un vermisseau ni un dieu, c'est un homme. C'est-à-dire un être complexe et énigmatique qui fait pitié quand on le regarde ramper, qui fait envie et gloire quand on le regarde penser. Sa grandeur, c'est de s'exprimer. La littérature est cette expression de l'homme transmise à l'homme par l'écriture. Mais pour que la définition soit juste et complète, il faut y ajouter un mot. La littérature est l'expression mémorable, c'est-à-dire digne de mémoire, de l'esprit humain. Vous concevez que depuis le commencement des temps, cette littérature ou cette expression mémorable de l'esprit humain a dû se multiplier dans une proportion presque incalculable. Les langues et les livres écrits dans ces diverses langues sont le dépôt de cette littérature universelle. Mais Dieu, dans un dessein que nous ne pouvons pas connaître, a donné des bornes à la mémoire des hommes comme à toute chose ici-bas, de même qu'il y a un horizon d'espace au-delà duquel la vue se trouble et n'aperçoit plus rien, de même il y a un horizon de temps au-delà duquel la mémoire des peuples semble condamnée à ne pouvoir jamais remonter. Le monde est un renouvellement éternel, et par la même loi, un anéantissement perpétuel des choses. Tout y tombe en ruine après une certaine durée de vie, et tout y ressort des ruines après une certaine durée de mort. Les idées n'échappent pas plus à cette loi que les hommes et les empires. Les langues meurent avec les civilisations et avec les peuples qui les parlent. Les langues, comme des urnes brisées, dont on transvase la liqueur pour la verser dans d'autres urnes, se transmettent de l'une à l'autre une faible partie de la littérature sacrée ou profane qu'elles contenaient. Elles en laissent fuir la plus grande partie dans l'oubli. Puis naissent, de la décomposition de ces langues mortes, d'autres langues formées de leurs débris. Des peuples nouveaux recommencent à penser, à parler, à écrire des choses dignes de mémoire. Ces livres forment avec le temps d'autres dépôts de l'expression humaine destinée à périr à leur tour. Cette diversité, cette instabilité et cette brièveté des langues sont le grand obstacle à la perfectibilité, soi-disant indéfinie ici-bas, de l'esprit humain. Si Dieu avait voulu la perfectibilité indéfinie de l'esprit humain sur cette terre, il aurait créé une langue une et immortelle entre tous les peuples et toutes les générations. Comment accumuler et contenir une perfectibilité toujours croissante dans des langues qui ne s'entendent pas l'une l'autre et qui meurent tous les jours en laissant fuir ce que les générations antérieures leur ont confié? Pour quiconque lit attentivement les chefs-d'œuvre littéraires des époques que nous appelons la naissance des lettres, il est évident que ces chefs-d'œuvre ou ces fragments de chefs-d'œuvre que nous croyons des commencements n'étaient que des continuations ou des renaissances de littérature dont les monuments ne sont pas parvenus. Il y a une brume sur les temps très reculés, comme sur les distances. On ne voit pas au-delà, mais on conjecture avec une presque certitude. Ainsi, il est évident que quand une philosophie aussi savante et aussi éloquente que celle de Job nous apparaît tout à coup avec le livre qui porte ce nom dans la Bible, cette sagesse, cette expérience, cette éloquence ne sont pas nées sans ancêtres du sable du désert, sous la tente d'un arabe nomade et illettré. Il est également évident que quand un poète comme Homère apparaît tout à coup avec une perfection divine de langue, de rythme, de goût, de sagesse, aux confins d'une prétendue barbarie, il est évident, disons-nous, qu'Homère n'est pas sorti de rien, qu'il n'a pas inventé à lui seul tout un ciel et toute une terre, qu'il n'a pas créé à lui seul sa langue poétique et le chant merveilleusement cadencé de ses vers, mais que derrière Job et derrière Homère, il y avait des sagesses et des poésies dont ces grands poètes sont les bords, littérature hors de vue, dont la distance nous empêche d'apprécier l'étendue et la profondeur. Rien ne naît de rien dans ce monde, pas même le génie. Quand vous apercevez un grand monument littéraire, soyez sûr qu'il n'est pas isolé, et que derrière ce monument, il y a une littérature invisible par la distance dont ce monument est le chef-d'œuvre, mais non le commencement. Cette distance du temps, cette décomposition des langues, ces morts et ces ensevelissements des empires qui parlaient ces langues, ont donc fait disparaître, dans le passé reculé du monde, d'immenses trésors de littérature. Nous en exhumons de temps en temps dans l'Inde, dans l'Égypte, dans la Chine, quelques débris. Gloire aux lettrés studieux qui les déchiffrent et les recomposent comme Cuvier recomposait un monde antédiluvien à l'aide de quelques ossements. En attendant le fruit complet de leur découverte, l'inventaire général de la littérature universelle ou de l'expression mémorable de l'esprit humain par ses œuvres est contenu dans nos bibliothèques en un petit nombre de chefs-d'œuvre en toute langue qui ne dépassent pas les forces de l'attention. C'est cet inventaire que j'entreprends de parcourir avec vous, non par ordre de date, ce qui serait trop fastidieux, mais par catégorie de chefs-d'œuvre, ce qui nous permettra de passer d'un peuple à l'autre et de l'Antiquité à nos jours avec une diversité de temps, de sujets et d'écrivains qui soutiendra l'intérêt dans cette étude. Cet inventaire de l'esprit humain, à l'heure où nous sommes, comprend l'Inde, la Chine, l'Égypte, la Perse, l'Arabie, la Grèce, Rome, l'Italie moderne, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique elle-même descend à la littérature comme à la vie, en un mot, tous les peuples du globe qui ont apporté ou qui apportent un contingent littéraire à ce dépôt général de l'esprit humain. Nous prendrons en main tour à tour une de ses œuvres, nous en traduirons les principaux textes, en faisant goûter les beautés et en indiquant les imperfections, et nous nous rendrons compte ainsi des trésors d'intelligence, de sagesse et de génie que possède l'homme intellectuel au temps où nous vivons. Nous ne nous interdirons pas de redescendre de temps en temps des hauteurs de l'Antiquité jusqu'à nos jours. S'il a paru, ou s'il paraît pendant que nous écrivons, un de ces livres qui honore notre nation ou notre époque, nous nous arrêterons avec prédilection sur ses œuvres, nous en parlerons avec impartialité. Notre critique est la recherche et la contemplation du beau. Nous ne citerons que les belles choses. Les mauvaises n'ont pas besoin d'être jetées à l'oubli, elles meurent d'elles-mêmes. Un cours libre de littérature doit relever et non ravaler à ses propres yeux l'âme humaine. La plus sublime des facultés de l'homme, c'est l'admiration. Nous voulons donner une haute idée de l'homme par ses œuvres, afin de vous soutenir, en morale comme en littérature, à la hauteur de l'idée que vous aurez conçue de vous-même. Au moment où nous reprenions la plume pour achever avec vous cette définition de la littérature, un grand deuil littéraire vient tout à coup attrister la France et l'Europe. Madame Émile de Girardin vient de s'éteindre dans toute la flamme de son esprit. Le plan de secours familier, et pour ainsi dire dialogué de littérature, ne nous astreint pas tellement à l'ordre chronologique du génie qu'il nous soit interdit de faire de temps en temps des retours sur notre propre siècle, de parler des œuvres remarquables qui s'y produisent, des écrivains d'élite dont les talents le décorent, ni surtout d'y déplorer la perte de ceux que nous y avons le plus aimés. La littérature telle que nous la comprenons n'est pas seulement des goûts, elle a du cœur, et quand le cœur a fait partie du talent d'un écrivain, ce n'est pas à la gloire seulement, c'est à la tendresse de mener son deuil. L'amitié que nous avons portée depuis tant d'années à Madame de Girardin a été toujours d'un caractère si fraternel et si littéraire que les charmes de sa figure n'ont été pour rien dans notre attrait pour sa personne et qu'en la pleurant avec amertume comme ami, nous sommes sûrs de notre impartialité comme écrivain. Sans doute, il est impossible de séparer complètement dans une telle femme la grâce du génie et la beauté des traits de la beauté de l'intelligence. Comment séparer ce que Dieu a si bien uni sur une physionomie éloquente? Ce ne serait pas même rendre justice à la nature. Elle fond d'un seul jet l'âme et le corps, et elle ne permet pas qu'on les sépare, sans mutiler l'impression qu'elle peut produire en nous par les chefs-d'œuvre de sa création. Cette impression que Madame de Girardin, alors Mademoiselle Delphine Gay, fit sur moi la première fois qu'elle m'apparut, après en avoir beaucoup entendu parler, fut si vive que le lieu, le jour, le site, la personne sont restés comme un tableau dans ma mémoire et que je pourrais dicter aujourd'hui encore à un peintre le ciel, le paysage, les traits, les couleurs, le regard, sans qu'il manquât un éclair dans les yeux, une inflexion aux lèvres, une rougeur ou une pâleur aux joues, une ondulation aux cheveux, un nuage au ciel, une feuille même au paysage. Ce sont là les véritables portraits dans lesquels une femme se transfigure réellement sur la toile vivante de notre imagination, portraits dont les couleurs ne noircissent ou ne s'éraillent jamais parce que la mémoire vit et les renouvelle sans cesse. Le hasard semblait avoir préparé pour moi une scène digne de l'apparition. C'était en 1825, j'habitais l'Italie. J'en revenais, par un ciel de printemps, de Rome à Florence. J'avais passé la nuit dans la ville pastorale de Terni, ville répandue au milieu des eaux et des arbres dans la vallée sonore, assourdie des cascades et rafraîchie de l'écume du Vellino. On nous dit à l'auberge, à notre réveil, que deux dames françaises, une mère et sa fille, arrivées aussi la veille, mais plus tard que nous, venaient de monter en voiture pour aller visiter les cascades de Terni. De nos fenêtres, nous entendions la chute de cette cascade d'un fleuve comme un tonnerre continu au fond de la vallée. L'aubergiste ajouta que la plus jeune et la plus belle des deux voyageuses était, d'après le récit de leur courrier, la plus célèbre improvisatrice de la France. Le nom de Mademoiselle Delphine Gay me vint sur les lèvres. Je fis appeler le courrier, qui préférait le vin de Montefiascone à toutes les eaux de Terni, et qui buvait dans une salle basse en compagnie d'une fiasque et d'un ami. Le courrier me connaissait parce que j'avais signé souvent son passeport pour les villes d'Italie. Il me dit que ses voyageuses s'appelaient Madame Gay, et Mademoiselle Delphine Gay, sa fille, que ces dames avaient regretté de ne pas me rencontrer à Florence, qu'elles avaient des lettres de recommandation pour moi et qu'elles espéraient me rencontrer à Rome. Puis, montant aussitôt sur son cheval tout scellé à la porte de l'auberge, il galopa sur la route des Cascades pour les prévenir les deux Françaises que j'étais à Terni et que j'allais bientôt les rejoindre à la chute du Velino. On me préparait déjà en effet une calèche légère du pays pour gravir la pente escarpée du plateau boisé d'où le fleuve se précipite. Il y a environ 2 petites heures de chemin de la ville de Terni au sommet du plateau. La route, en quittant Terni, s'enfonce en serpentant sous des voûtes d'arbres aquatiques, tout dégoûtant de l'éternelle rosée de la chute. Ce chemin traverse, sur des ponts romains, à demi écroulés et verdis de mousse humide, 3 ou 4 branches du fleuve. Les vagues fuient encore avec la rapidité le sifflement de la flèche, toute frémissante de l'impulsion qu'elles ont reçue en tombant de si haut. Elles rejettent, à droite et à gauche, sur les prairies, les larges flocons d'écume qu'ils blanchissent encore, pour aller s'enfoncer en tournoyant sur elles-mêmes dans la sombre vallée de Narni, où elles se rassemblent sous les arches brisées du pont d'Auguste. Après avoir traversé ainsi les prairies qui bordent le fleuve, on s'élève insensiblement pendant 1 heure, par un chemin en corniche, sur les flancs mouillés, suants et ombreux de la montagne. À mesure qu'on monte, le mugissement du Bellino devient plus imposant. L'ombre accroît la terreur. Le flanc de la montagne tourné au couchant ne voit le soleil que plus tard. Cette pente ruisselle, à 6 heures de la matinée, de fraîcheur et de rosée. Ce n'est qu'aux extrémités des coudes et des caps élevés, formés par les sinuosités de la rampe, on aperçoit à sa gauche les vagues éclairées du fleuve roulant dans la vallée à travers les brumes roses, les scintillations et les éblouissements du soleil levant. Vapeur des eaux, verdure des prairies, noirceur des sapins, pâleur des peupliers, aspérité marbrée des rochers, ruban bleuâtre des langues de la cascade qui s'entrecoupent, groupe d'îles enfouis sous l'ombre portée des caroubiers, splendeur du ciel qui contraste en haut avec les ténèbres d'en bas, rayons de soleil qui semblent jaillir de la gueule du fleuve avec ses nappes, bruit croissant de l'air, vent des eaux et tremblement souterrain du sol à mesure qu'on s'élève, tels sont les préludes du spectacle auquel on vient assister d'en haut. On ne peut s'empêcher de se rappeler, en approchant, les noms de tous les grands poètes et de tous les grands peintres qui sont venus avant nous frissonner d'horreur et d'admiration à ce même site, depuis Horace et Claude Lorrain jusqu'à Lord Byron. Terni est le pèlerinage du génie. Le poète y laisse en ex voto des vers sublimes, et il en rapporte une impression des puissances et des grâces de la nature, qui gronde aussi éternellement dans son âme que le Velino gronde dans son abîme. J'avoue que j'étais ivre seulement 2 bruits avant d'avoir aperçu le précipice. La calèche s'arrêta au sommet du plateau dans un chemin creux, auprès de 2 ou 3 pauvres chaumières. Les enfants et les chèvres de ces chaumières jouaient au soleil au bord d'un fleuve encaissé profond, qui coupait la prairie avec un calme et un silence perfide. C'était le Velino. On eût dit que la terreur du précipice qu'il allait franchir l'étonnait lui-même, le suspendait, et le faisait presque refluer en arrière, tant son onde verdâtre, huileuse et profonde, paraissait s'attacher aux parois de son lit et se voiler d'arbres et de roseaux penchés sur son cours. Le bruit seul des eaux croulantes nous conduisit de bouquet d'arbres en bouquet d'arbres qui nous cachaient la chute et la vallée, jusqu'à un promontoire avancé sur le vide, comme un cap démesurément élevé sur l'océan. À l'extrémité de ce cap coulait à pic une étroite pelouse bordée d'un parapet de pierres sèches pour retenir ceux que le vertige emporterait avec le fleuve, comme le tourbillon emporte la feuille, servait d'amphithéâtre à cet écroulement éternel des eaux. Nous n'essaierons pas de le décrire. Il n'y a pas de langue humaine à la mesure de ces sensations produites par ces jeux de la toute-puissance divine. La masse d'un fleuve à qui son lit manque tout à coup, la profondeur incommensurable de l'abîme qui l'engloutit, la pulvérisation en écume par la seule résistance de l'air qui l'écrase en tombant, la nappe transformée à vue en vapeur qui se disperse au vent de leur propre volatilisation et qui fuit aux 4 coins du ciel comme une volée d'oiseaux gigantesques ou qui se cramponne aux flancs perpendiculaires de la montagne comme des titans précipités cherchant à se retenir aux corniches du firmament, les transparences vertes ou azurées des langues d'eau que la rapidité, l'impulsion et le poids du fleuve arqué en pont sur l'abîme, au moment où elles rencontrent tout à coup le vide, semblent cristalliser. la lumière du soleil levant qui les transperce et qui s'y fond en mille éclaboussures avec tous les éblouissements du prisme, le choc en bas, le bruit en haut, l'orage éternel, la transe sublime qui serre le cœur et qui ne trouve pas même un cri pour répondre à ce foudroiement de l'esprit. Cette scène n'a pas de mots, mais elle a des évanouissements, des vertiges, des tourbillons, des frissons et des pâleurs pour langage. L'homme précipité avec le fleuve est pulvérisé avant lui, en tombant en idée dans cet enfer des eaux. Expression de Lord Byron à la même place. Et si l'on ajoute à ce spectacle de la cascade ternie ce grand jour, cette sérénité d'un ciel d'Italie, ces teintes marbrées du rocher, cette atmosphère cristalline, cette douce tiédeur de l'air tournoyant, qui vous baigne voluptueusement de la laine des eaux, chose qui manque toujours aux cascades des Alpes et même du Niagara. Si l'on considère qu'au lieu de se passer dans les gouffres ténébreux de précipices qui bornent la vue et qui l'attristent, la scène se passe en plein espace, en pleine lumière, en face d'un horizon sans bornes, d'un firmament limpide, d'où le Créateur semble assister, derrière le cristal infini du ciel, à ce jeu des éléments fureurs, on n'aura plus seulement la sensation d'une catastrophe des eaux, mais celle d'une fête de la nature, à laquelle Dieu permet à l'homme d'assister en l'adorant. Telles étaient la scène et l'amphithéâtre où je rencontrai pour la première fois celle qui fut plus tard Madame Émile de Girardin. Je m'avançais, sans être aperçu, un peu au-dessus de la petite pelouse où elle s'appuyait sur le parapet de rocher pour contempler la chute. J'eus ainsi le loisir, après avoir lentement mesuré la cascade, de reporter mes regards sur la belle jeune fille qui s'enivrait du tonnerre, du vertige et du suicide des eaux. Un peintre n'aurait pas choisi pour la peindre une attitude, une expression et un jour plus conforme à sa grandiose beauté. Elle était à demi assise sur un tronc d'arbre que les enfants des chaumières voisines avaient roulé là pour les étrangers. Son bras, admirable de forme et de blancheur, était accoudé sur le parapet. Il soutenait sa tête pensive, sa main gauche, comme alanguie par l'excès des sensations, tenait un petit bouquet de pervenches et de fleurs des eaux nouées par un fil que les enfants lui avaient sans doute cueilli et qui traînait au bout de ses doigts distraits dans l'herbe humide. Sa taille élevée et souple se devinait dans la nonchalance de sa pose. Ses cheveux abondants, soyeux, d'un blanc sévère, ondoyaient au souffle impétueux des eaux, comme ceux des sibylles que l'extase dénoue. Son sein gonflé d'impression soulevait fortement sa robe. Ses yeux, de la même teinte que ses cheveux, se noyaient dans l'espace. Soit goutte de vapeur condensée sur ses longs cils noirs, soit larme de l'esprit montée aux yeux par l'excès de l'émotion d'artiste, quelques gouttes de cette pluie de larmes brillaient et tombaient au bord de ses paupières sur la cascade sans qu'elle les sentît couler, en sorte que le Bellino roulait à la mer, avec ses ondes, une goutte chaude et virginale du cœur d'une jeune fille de Paris, larmes sans amertume qui baignent les joues mais qui ne sont pas des pleurs. Son profil, légèrement aquilin, était semblable à celui des femmes des Abruzzes. Elle les rappelait aussi par l'énergie de sa structure et par la gracieuse cambrure du cou. Ce profil se dessinait en lumière sur le bleu du ciel et sur le vert des eaux. La fierté y luttait dans un admirable équilibre avec la sensibilité. Le front était mâle, la bouche féminine. Cette bouche portait, sur des lèvres très mobiles, l'impression de la mélancolie. Les joues pâlies par l'émotion du spectacle et un peu déprimées par la précocité de la pensée, avaient la jeunesse mais non la plénitude du printemps. C'est le caractère de cette figure qui attachait le plus le regard en attendrissant l'intérêt pour elle. Plus fraîche, elle aurait été trop éblouissante. La teinte du marbre sied seule aux belles statues vivantes comme aux statues mortes. Il faut sentir l'âme, la passion ou la douleur à travers la peau. L'âme, la passion, la piété, l'enthousiasme et la douleur sont pâles. Elle se leva enfin au bruit de mes pas. Je saluai la mère qui me présenta à sa fille. Le son de sa voix complétait son charme. C'était le timbre de l'inspiration. Son entretien avait la soudaineté, l'émotion, l'accent des poètes avec la bienséance de la jeune fille. Elle n'avait à mon goût qu'une imperfection, elle riait trop, hélas. Beau défaut de la jeunesse qui ignore la destinée. À cela près, elle était accomplie. Sa tête et le port de sa tête rappelaient trait pour trait en femme celle de l'Apollon du Belvédère en homme. On voyait que sa mère, en la portant dans ses flancs, avait trop regardé les dieux de marbre. La Sibylle a un temple admirable, situé au-dessus de la cascade de Tivoli. S'il y avait eu un de ces temples au-dessus de la chute de Terni, on n'aurait pas pu y rêver une Sibylle plus inspirée que cette jeune fille. Nous remâmes ensemble à Terni. Nous nous y séparâmes le soir, elle pour aller à Rome, moi pour retourner à Florence. Elle m'avait laissé une gracieuse et sublime impression. C'était de la poésie, mais point d'amour, comme on a voulu plus tard interpréter en passion mon attachement pour elle. Je l'ai aimée jusqu'au tombeau, sans jamais songer qu'elle était femme. Je l'avais vue déesse, à Terni. Cette première impression me resta toujours. Elle était pour moi sur un piédestal, isolée dans son génie. Je la regardais d'en bas. Il faut regarder d'en haut, ce qu'on aime. Cette charmante apparition de Terni avait alors à peu près 18 ans. Elle était fille de Madame Sophie Gay, femme supérieure très méconnue. Madame Sophie Gay était contemporaine de ces 4 ou 5 femmes de beauté mémorable et de célébrité historique qui apparurent à Paris après le 9 Thermidor comme des fleurs éblouissantes prodiguées tout à la fois, la même année, par la nature pour recouvrir le sol ensanglanté par l'échafaud. Madame Tallien, Madame de Beauharnais, Madame Récamier, Madame Gay étaient de belles idoles grecques qui firent un moment, sous le directoire, rêver Athènes au peuple de Paris. Elles furent le nœud entre la liberté pure et le sang et la gloire militaire pure encore de despotisme, un sourire fugitif mais ravissant de la France entre deux larmes. Madame Gay, aussi étincelante au moins d'esprit que sa fille, bonne, tendre, généreuse, héroïque de passion et de courage, fidèle à ses amis jusque sous la hache, cœur d'honnête homme dans la poitrine d'une femme d'un temps corrompu, n'avait qu'un défaut. Ce défaut était un excès de nature qui lui faisait négliger quelquefois cette hypocrisie de délicatesse qu'on appelait bienséance. Elle avait conservé la franchise tragique d'idées, d'attitudes et d'accents de cet interrègne de la société appelée la terreur en France. Elle semblait défier la bienséance comme elle avait défié l'échafaud. Ce temps de cataclysme où elle avait vécu seyait à son caractère. Elle était romaine plus que française. Son âme, chargée de premiers mouvements, était pleine d'explosions. Dans les éruptions de son cœur, elle brisait tout. Elle faisait scène, elle choquait les scrupules, elle scandalisait les pusillanimités de salon. C'était son seul tort. Mais ce tort était racheté par tant de vigueur de sentiment et par tant d'élégance de conversation qu'on lui pardonnait tout et qu'on finissait par aimer en elle jusqu'à ses défauts. Elle adorait sa fille, en qui elle se voyait renaître. Frappée des dispositions précoces de cet enfant pour la poésie, elle avait cultivé comme on cultive une dernière espérance de célébrité domestique, quand on a soi-même le goût de la gloire et qu'on vieillit sans l'avoir pleinement savourée. Cette gloire posthume et désintéressée, goûtée dans la personne de son enfant, est peut-être la plus touchante de toutes les faiblesses. La vanité s'y confond avec la tendresse, la maternité y sanctifie la santé. Madame Gay s'était faite elle-même le piédestal de sa fille. On la raillait de son empressement à la produire et à faire admirer ses perfections. Mais qu'y a-t-il de plus innocent et de plus désintéressé que de vouloir faire éclater aux yeux du monde le prodige qu'une mère a trouvé dans le berceau de son propre enfant? Les autres filles de Madame Gay, aussi charmantes et aussi spirituelles que la dernière, étaient déjà mariées. Elles n'animaient plus de leur présence son foyer désert. Tout revivait pour elles dans sa Delphinie. On connaît la prédilection des mères pour les derniers venus à la vie. Ils semblent avoir plus besoin que les autres du cœur maternel. Les Benjamins sont une vieille histoire. Ils sont aussi vrais dans la civilisation qu'au désert. De plus, Madame Gay, après avoir possédé une opulente fortune, était tombée dans une médiocrité d'existence qu'elle ne soutenait que par le travail littéraire, souvent si mal rémunéré. Elle craignait la pauvreté, après elle, pour cet enfant. Elle pouvait penser que le double talent de la mère et de la fille et leur double travail apporterait un peu plus d'aisance à la maison, que sa fille se ferait avec ses vers une propre dot de sa gloire. Dieu lisait tout cela comme je l'ai lu moi-même dans le cœur de cette excellente mère, mais le monde cherche à voir les vertus même du mauvais côté. Cependant, l'enfant se développait dans la société des femmes et des hommes les plus illustres, amis de sa mère, et entre autres de Monsieur de Chateaubriand et de Madame de Staël. Elle dépassait en charme et en talent tout ce que le cœur d'une mère avait rêvé. On lui avait appris à sentir et à parler en vers. Elle avait l'image dans les yeux, l'harmonie dans l'oreille, la passion en pressentiment dans le cœur, l'éclat dans l'esprit. Ses strophes peignaient, chantaient, pleuraient, brillaient comme les gazouillements poétiques de l'oiseau qui s'essaye au bord du nid à demi-voix, et dont on écoute en avril les notes futures. on lui enseignait à réciter ses vers aux amis lettrés de la maison avec cette voix, ce regard, ce geste, qui transforme la poésie en magie sur les lèvres d'une belle jeune fille et qui confonde l'admiration avec l'amour. Ces vers, retenus de mémoire au colporté de salon à salon par les amis, avaient fait une célébrité avant l'âge au nom de Delphine. Bientôt, cette gloire domestique ne suffit plus à la mère. La restauration des Bourbons s'était accomplie. La poésie, cette élasticité comprimée des âmes, était revenue avec la liberté. Madame Gay, liée d'antécédents et d'opinions avec les royalistes, conduisit sa fille dans les salons de cour de Madame la Duchesse de Duras et de quelques autres femmes supérieures du temps. Les salons, longtemps fermés ou muets sous l'Empire, se vengeaient de leur silence par un culte passionné pour les talents qui promettaient un nouveau siècle de Louis XIV aux Bourbons. Le roi lui-même était un lettré et un poète. La Restauration était la température où fleurissaient les talents naissants. Madame de Staël et M. de Chateaubriand leur donnaient le diapason, l'un de la liberté aristocratique, l'autre de l'enthousiasme dynastique. Ces deux enthousiasmes se confondaient dans ces réunions presque académiques où l'esprit était la première dignité des hommes et des femmes. La jeune Delphine y fut accueillie comme l'aurore du guide par toutes les grâces du jour. Elle y respira longs traits partout l'enthousiasme qu'elle y répandait elle-même. Une des meilleures preuves de l'incorruptibilité de sa belle nature, c'est qu'elle en fut heureuse, mais point enivrée. Sa modestie la défendit contre les vertiges de l'adulation. Sa mère, avec tant d'orgueil maternel pour elle, que la jeune fille n'était occupée d'elle-même qu'à rabattre l'exagération de cette idolâtrie. D'ailleurs, une des qualités précoces et dominantes de son esprit était le bon sens. Ce sens exquis, chez elle, lui disait assez qu'il fallait attribuer à sa jeunesse et à sa beauté la plus grande partie des hommages que le monde rendait à ses promesses de talent. Elle exprima admirablement ce sentiment dans une poésie sur le bonheur d'être belle. Ce fut dans ces heureuses années qu'elle composa la plupart de ses poèmes, recueillis depuis sous l'humble titre d'essais poétiques. Nous n'en citons rien ici. À quoi bon citer ce qui est dans la mémoire de tout le monde ? On ne peut faire à cette poésie qu'un reproche, c'est d'avoir respiré un peu trop l'air des salons. L'air des salons est trop artificiel et trop tempéré pour donner à la poésie cette trempe énergique, nécessaire à l'imagination comme au caractère du talent. L'esprit, ce génie trop familier des salons, y corrompt le véritable génie qui vit de grand air. Cet air des salons donne à la poésie des finesses au lieu de grandeur. Les grands accents ont besoin de grands espaces, de grands mouvements de l'âme, de grandes passions. Une jeune fille, élevée dans cette cage dorée des hôtels de Paris, ne peut élever sa voix qu'à la portée de la société étroite et raffinée qui l'entoure. Si Sappho eût été une jeune fille de bonne compagnie dans la cour de quelque roi des Perses, nous n'aurions pas ces divers, ces 10 charbons de feu allumés dans son cœur et qui brûlent depuis tant de siècles les yeux qui les lisent. Mais les vers de jeunesse de Madame de Girardin ont tout ce que l'atmosphère dans laquelle elle vivait comporte. C'est de la poésie à demi-voix, à chastes images, à intentions fines, à grâce décente, à pudeur voilée de style. Le seul défaut de ces vers, nous le répétons, c'est l'excès d'esprit. L'esprit, ce grand corrupteur du génie, est le fléau de la France. Ô sainte bêtise ! S'écriait un grand juge des poètes de son temps, que tu es préférable dans ta naïveté à ces raffinements de la pensée qui ne valent pas eux tous un cri de la nature. Mais le goût naturel et exquis de la jeune fille la défendait contre l'abus. De temps en temps, elle avait des retours de nature contre le pli trop artificiel que la société donnait à son talent. Cet excès d'esprit ne nuisait en rien à la tendresse de son cœur. Elle aspirait à un époux digne d'elle, surtout parce que l'amour est un dévouement. Je me souviens de l'avoir vue un matin d'une nuit sans sommeil, pendant laquelle elle avait veillé à côté du berceau d'un enfant malade de la comtesse O'Donnell, sa sœur. Tout le cœur d'une mère se lisait dans sa physionomie fiévreuse et dans ses traits pâlis. Ce fut l'occasion de quelques vers que je lui adressai le lendemain. Ces vers commencent par des strophes dans lesquelles j'exprimais l'étonnement du voyageur qui, voyant briller de loin les cimes neigeuses et escarpées des Alpes, est tout surpris de voir en approchant que ces sommets, en apparence froids et inhabitables, cachent dans leurs flancs des vallées tièdes et délicieuses où croissent les plus doux fruits de la nature. Il y trouve, ravi, des solitudes vertes, dont l'agneau broutant paix le tapis velouté, des vergers pleins de dons, des chaumières ouvertes à l'hospitalité, des coteaux de velours d'ombrageuses vallées, et des lacs étoilés des feux du firmament, dont les barques sortant des anses reculées rident le flot dormant. Il entend les doux bruits de voix qui se répondent, de murmures confus qui montent des hameaux, de cloches de troupeaux, de chants qui se confondent avec les chants d'oiseaux. Marchant sur les tapis d'herbe en fleurs et de mousse, « Ah, dit-il, que ces lieux me gardent à jamais. La nature a caché ses grâces les plus douces sous ses plus hauts sommets. » Ainsi les noms qu'au ciel la renommée élève, de leur éclat lointain semble nous consumer, jalouse de ses dons, la gloire leur enlève tout ce qui fait aimer. Ainsi, quand je te vis, jeune et belle victime, qu'un génie éclatant choisit pour ton malheur, je cherchais sur ton front le rayon qui t'anime, et je fermais mon cœur. Mais un jour, c'était l'heure où le soin du ménage retient la jeune fille à son foyer pieux, où l'on n'a pas encore composé son visage pour l'œil des curieux. Les meubles dispersés dans l'asile nocturne, la lampe qui fumait, oubliée au soleil, étalait ce désordre, emblème taciturne d'une nuit sans sommeil. Des harpes et des verres, souvenirs d'une fête, des livres échappés à des doigts assoupis et des festons de fleurs détachés de la tête y jonchaient les tapis. La veille avait flétri de ta blanche parure, les plis autour du sein, le nœud pressait encore, tes cheveux dénoués jusqu'à la ceinture s'épandaient en flots d'or. Ton visage était pâle, un frisson de pensée de ton front incliné lentement s'effaçait. Comme sous un fardeau trop lourd, ta main glacée sur tes genoux glissait. Au bord de tes yeux bleus tremblaient de larmes pures. La paire branche à ses fleurs ainsi voit s'étancher deux perles de la nuit, que les feuilles obscures empêchent de sécher. Sur tes lèvres collées, ton doigt disait silence, car l'enfant de ta sœur dormait dans son berceau, et ton pied suspendu le berçait en silence sous son mobile arceau. La mort avait jeté son ombre passagère sur cette jeune couche, et dans ton œil troublé, dans ton sein virginal, tout le cœur d'une mère d'avance avait parlé. Et tu pleurais de joie, et tu tremblais de crainte, et quand un seul soupir trahissait le réveil, tu chantais au berceau l'enfantine complainte qui le force au sommeil. Ah, qu'un autre te voit, enfant de l'harmonie, trouvant que sur les cœurs un empire est trop peu, lancer d'un seul regard l'amour et le génie, la lumière et le feu. Pour moi, quand ma mémoire évoque ton image, je te vois, l'œil éteint par la veille et les pleurs, sans couronner, sans lyre, et penchant ton visage sur un lit de douleur. Je t'entends murmurer ces simples cris de l'âme que l'amour maternel apprend à ressentir et ces chants du berceau que la plus humble femme sait le mieux retentir. Et je dis dans mon cœur, écartez cette lyre. De la gloire à ce cœur, le calice est amer. Le génie est une âme, on l'oublie, on l'admire, elle saurait aimer. Sa double célébrité de beauté, de génie croissait avec les saisons. Dès qu'elle paraissait dans les théâtres, dans les fêtes, dans les académies, un murmure d'admiration courait dans la foule, tous les yeux se tournaient vers elle pour la contempler. Les jeunes hommes exaltaient ses charmes, les vieillards la plaignaient d'une célébrité funeste au bonheur. On se demandait avec inquiétude comment une femme, habituée à vivre dansant dans un monde qui n'était jusque-là qu'un temple pour elle, pourrait se contenter d'un seul cœur et d'une place obscure dans le foyer d'un mari. Mille bruits couraient sur son mariage, aucun n'était vrai. La gloire attire les yeux, mais fait peur aux sentiments, à moins d'être très inférieur et d'accepter humblement son infériorité, ou à moins d'être très supérieur et de ne craindre aucune éclipse, on redoute d'épouser ces grandes artistes qui introduisent la publicité dont elles rayonnent dans le ménage, qui ne veut que le demi-jour. On la trouvait trop grande pour la maison d'un époux ordinaire, on rêvait pour elle, on ne sait quel sort plus grand que nature. On ne la connaissait pas, elle ne voulait qu'un cœur, elle savait se proportionner aux plus humbles conditions de la vie commune, pourvu que l'amour, cette poésie du cœur, ne manquât pas à sa destinée. Quoi qu'il en soit, à l'insu de sa mère et d'elle-même, quelques admiratrices de sa beauté, parmi des femmes de cour et quelques courtisans affairés d'importance, conçurent, dit-on à cette époque, l'idée intéressée de lui faire épouser clandestinement le comte d'Artois, qui fut depuis Charles X. Ce prince avait occasion de voir et d'entendre la jeune fille dans les salons des Tuileries, chez une des femmes de la cour logée au palais. Il avait exprimé pour elle une admiration qu'on pouvait prendre pour de l'amour. On savait qu'il ne voulait pas se remarier d'un mariage authentique par des délicatesses de famille et de dynastie, mais on pensait que, sensible encore, comme il l'avait toujours été, au charme d'une société de femmes, et trop pieux pour avoir une favorite, il serait heureux de trouver, dans un mariage consacré par la religion et avoué par l'usage des cours, une compagne des jours de sa maturité. L'admiration qu'il avait témoignée pour la belle inspirée devant ses courtisans fut prise par eux pour une inclination naissante. Ils s'étudièrent à la nourrir. Il s'agissait de contrebalancer, par un empire de femmes exercé sur le cœur de l'héritier de la couronne, l'empire occulte exercé par une autre femme sur le cœur du roi. Des intelligences dans les affections des princes sont des influences dans leurs conseils. La politique, sous les apparences de l'amour, assiège même l'oreiller des rois. Une Diane de Poitiers légitime ou une madame de Menton jeune et séduisante parurent une nécessité de situation au parti royaliste. Ce parti ne pouvait pas choisir une personne plus accomplie pour l'un ou l'autre de ses rôles. Diane de Poitiers n'était pas plus belle, madame de Maintenon pas plus supérieure. Mais la jeune fille à qui on destinait leur rôle avait l'innocence qui manquait à l'une, la franchise qui manquait à l'autre. On s'étudia, dans cette idée, à multiplier pour le comte d'Artois les rencontres avec la jeune personne qu'il paraissait regarder avec une prédilection toute paternelle. Moins Delphine était confidente de ce plan de cour, plus la séduction était vraisemblable. La plus sûre des coquetteries, c'est l'innocence. Tout semblait conspirer au succès du plan des courtisans, lorsqu'enfin le comte Artois, ému en apparence de tant de charme, parut n'éprouver d'autre embarras que celui de déclarer sa tendresse. Ils vinrent en aide à sa timidité, ils lui parlèrent d'un mariage qui concilierait, dans une demi-publicité, sa religion, sa délicatesse de père et de roi futur. Il lui désigna la personne pour laquelle des yeux intelligents avaient deviné son attrait. Ils lui en firent un éloge qu'il supposait déjà gravé en traits plus profonds dans son cœur. Le comte d'Artois les écouta sans surprise, accoutumé qu'il était par eux à ces sortes de provocations à un mariage d'inclination et de félicité domestique. Mais comme toujours, ses complaisances étaient trompées. Le comte d'Artois avait juré au lit de mort de madame de Polastron, son dernier attachement, que nulle autre femme ne la remplacerait jamais dans son cœur, et qu'il allait donner ce cœur à Dieu seul. Il resta religieusement fidèle à ce serment. Il évita même de revoir trop souvent la belle personne pour laquelle on lui avait prêté d'autres sentiments que ceux de l'admiration. Delphine ne connut jamais cette conspiration de cour fondée sur ses charmes. Elle était trop fière pour consentir à servir d'amorce même au cœur d'un roi. Je revins peu de temps après cette conjuration de cour à Paris. J'y remis Delphine et sa mère. Rien ne ressemblait plus alors au poétique encadrement de l'apparition de Terny. La scène avait changé, mais non la personne. Les années l'avaient embellie encore. La mère et la fille logeaient à cette époque dans un petit entresol humide et bas de la rue Gaillon, carrefour de rue qui vont des Tuileries au boulevard, pleine de bruit, de mouvement et de boue. Tout attestait dans cette résidence la médiocrité de fortune de la pauvre mère. Deux chambres basses où l'on montait par un escalier de bois, des meubles rares et éraillés, restes de l'antique opulence, quelques livres sur des tables suspendues à côté de la cheminée, une table où les vers de la fille et les romans de la mère, corrigés pour la pression, révélaient assez les travaux assidus des deux femmes. Au fond de l'appartement, un petit cabinet de travail où Delphine se retirait du bruit pour écouter l'inspiration, voilà tout. Ce boudoir ouvrait sur une terrasse de 12 pas de circuit, sur laquelle 2 ou 3 pots de fleurs souffrant de leur asphyxie recevaient à midi un rayon de soleil entre 2 toits, et où les moineaux d'une écurie voisine piétinaient dans l'eau de pluie. Hein, qu'il y avait loin de là aux arcs-en-ciel flottant dans l'atmosphère rose de la cascade du Vellino, et aux collines tapissées de lauriers de cette tempête de l'Italie. Eh bien, malgré cette médiocrité d'existence de ces deux femmes, les plus beaux noms de France et d'Europe se pressaient dans cet entresol. On y rencontrait depuis Madame Récamier jusqu'au Montmorency et au Chateaubriand. C'est la vertu de Paris de courir à la beauté, à la gloire, à l'agrément, plus qu'à la richesse et à la puissance. L'air y est cordial, c'est le cœur seul qui règle l'étiquette. On ne pouvait s'empêcher de penser, en contemplant et en écoutant Delphine, à cette Victoria Colonna, qui fut la noble et chaste Aspasie de Rome moderne, la passion platonique de Michel-Ange, le modèle des vierges de Raphaël, pendant qu'elle était, par ses propres poésies, la riballeureuse de Pétrarque. Je fus reçu avec accueil par la mère et la fille comme un ami qu'on aurait éprouvé 20 ans. Nous nous étions vus dans une heure d'émotion où les minutes comptent pour des années. Avoir jeté ensemble, en face d'une sublime nature, le cri de l'enthousiasme, c'est se connaître et s'aimer comme si on avait passé la vie à s'étudier. Il y a des amitiés foudroyantes qui fondent les âmes d'un seul éclair, telle était la nôtre depuis Terni. Je venais assidûment les visiter dans la matinée. Depuis quelques semaines, j'y voyais souvent debout, derrière le fauteuil de Delphine, un jeune homme de petite taille et de charmante figure qui semblait à peine sortir de l'adolescence. Il parlait peu, on ne le nommait pas. Il paraissait vivre dans une intime familiarité avec les deux dames, comme un frère ou un parent arrivé de quelque voyage lointain et qui reprenait naturellement sa place dans la maison. Ce jeune homme avait les yeux sans cesse attachés sur Delphine. Il lui parlait bas, elle détournait négligemment son beau visage pour lui répondre ou pour lui sourire par-dessus le dossier de sa chaise. Je demandai à sa mère quel était ce jeune inconnu, dont la physionomie forte et fine inspirait une attention et une curiosité involontaires. La mère me répondit que c'était M. Émile de Girardin. Elle me raconta son histoire. Elle me consulta sur de vagues idées de mariage. Je lui dis que le jeune homme avait une de ces physionomies qui percent les ténèbres et qui domptent les hasards, et que dans le pays de l'intelligence la plus riche dot était la jeunesse, l'amour et le talent. Peu de temps après, j'étais retourné à mon poste à l'étranger. J'appris, hors de France, que la charmante apparition de la cascade était devenue Madame Émile de Girardin. En feuilletant les pages de ses poésies, on lit celle de son cœur. Beaucoup de ses pages pourraient être signées par les premiers noms de la poésie française. Son invocation à la croix, au début du 9e chant de son épopée de Madeleine, à l'accent racinien. Ô martyr divin, supplice rédempteur, sceptre du Tout-Puissant, arbre dominateur, dont Dieu même jeta la racine féconde, étendard glorieux qui gouverne le monde, symbole consolant, croix sainte, noble don, garant universel du céleste pardon. Ton signe révéré, gage de délivrance, prodigue à tous les maux des trésors d'espérance. La crainte et le bonheur t'invoquent tour à tour. Le soir du pèlerin, tu guides le retour. Le crime, en ses remords, vient t'arroser de pleurs, et la Vierge au front pur te couronne de fleurs. Tu consoles les rois quand leur trône succombe, et du pauvre oublié tu protèges la tombe. Ah, puisse tes bienfaits s'étendre jusqu'à moi. Fais que dans mes récits, déguisant leur faiblesse, la parole de Dieu conserve sa noblesse. Pour raconter la mort qui sauva l'univers, fais que l'Esprit divin se révèle en mes vers, et que dans ma voix de force et d'harmonie, l'ardente piété me serve de génie. Les premiers vers de la vision sont du même accent. La jeune fille, au cœur héroïque, est visitée en songe par l'apparition de Jeanne d'Arc. Sous les verts peupliers qui bordent nos prairies, hier j'avais porté mes vagues rêveries. J'écoutais l'onde fuir à travers les roseaux, et debout, effeuillant le sol du rivage, j'attachais mes regards sur le cristal des eaux, qui du ciel étoilé, réfléchissant l'image, la nuit sur le vallon répandait sa fraîcheur. Et les vapeurs du lac dont j'étais entouré, d'un nuage céleste égalant la blancheur, semblaient unir la terre à la voûte azurée. Mais soudain, quel prestige a troublé mes esprits. Le lac s'est éclairé d'une flamme inconnue. Tremblante, je m'approche, et mes regards surpris, dans l'eau qui la répète, ont vu s'ouvrir la nue. Sur un nuage d'or, une femme apparaît. Son sein était couvert d'une robe éclatante. Du bandeau virginal, sa tête se parait, et son bras agitait la bannière flottante. Sur son front, dégagé du panache vainqueur, des lauriers lumineux formaient une auréole. Alors, un saint effroi venant saisir mon cœur, à genoux, j'écoutais sa divine parole. « Lève-toi, me dit-elle, et reconnais en moi la Vierge des combats, le sauveur de son roi, celle qui déserta sa tranquille chaumière pour suivre de l'honneur le périlleux chemin, celle qui délivra la France prisonnière et qui porte encore dans sa main et sa houlette et sa bannière. » Elle dit, et bientôt, du nuage voilé, l'héroïne s'enfuit sur la route étoilée. Je restais seul, en proie à mes nouveaux transports. un céleste pouvoir secondait mes efforts. Le Seigneur m'inspirait. Sa divine lumière embrassait de ses feux mon âme tout entière. Et déjà l'avenir était changé pour moi. Mes yeux entrevoyaient la gloire sans effroi. D'un orgueil inconnu, je me sentais saisi. « Guide-moi, » m'écriai-je, « ô toi qui m'as choisi, protège de mon cœur la pure ambition. Je jure d'accomplir ta sainte mission. Elle aura tous mes vœux, cette France adorée, à chanter ses destins, ma vie est consacrée. Dussé-je être pour elle immolée à mon tour, fier d'un si beau sort, dussé-je voir un jour, contre mes vers pieux s'armer la calomnie. Dû, comme tes hauts faits, ma gloire être punie, je chanterai encore sur mon brûlant tombeau. Oui, de la vérité rallumant le flambeau, j'enflammerai les cœurs de mon noble délire. On verra l'imposteur trembler devant ma lyre. L'opprimé, qu'oubliait la justice des lois, viendra me réclamer pour défendre ses droits. Le héros, me cherchant au jour de sa victoire, si je ne l'ai chanté, doutera de sa gloire. Les autels retiendront mes cantiques sacrés, et fiers, après ma mort, de mes chants inspirés. Les Français, me pleurant comme une sœur chérie, m'appelleront un jour muse de la patrie. Il est difficile à une femme de chanter en vers plus sobre, plus nerveux et plus viril l'exégie monumentum de son sexe. Le retour dans la patrie, après le voyage en Italie où je l'avais rencontré, n'est pas exprimé avec moins de simplicité et de grandeur. Que j'aime ces vallons où serpentent l'Isère, pourtant je les ai vus ces rivages si beaux, où le Tibre immortel coule entre les tombeaux. J'admirais de ses bords la superbe misère, mais les flots sablonneux de ce fleuve agité, de nos fleuves riants, n'ont pas la pureté. Ce torrent qu'à ses pieds l'Apennin voit descendre, et que Rome adora dans ses temps fabuleux, semble, dans son cours orgueilleux, des empires détruits rouler toujours la cendre. Voilà le poète. La femme reparaît à la fin du chant. J'ai besoin, pour chanter, du ciel de la patrie. C'est là qu'il faut aimer, c'est là qu'il faut mourir. Hélas, si le malheur finit mes jours loin d'elle, qu'on ne m'accuse pas d'une mort infidèle. Jure de ramener dans notre humble vallon et ma harpe muette et ma cendre exilée. Ah, sous les peupliers de notre sombre allée, une croix, des fleurs et mon nom, charmerait plus mon ombre consolée qu'un magnifique mausolée sous les marbres du Panthéon. La tragédie de Judith, celle de Cléopâtre, élevèrent son style poétique au-dessus de l'élégie à la hauteur de la scène antique. Des vers tels que ceux-ci, dans sa Cléopâtre, ont le grandiose d'une scène de Racine. L'âge et l'étude avaient affermi sa main. Qu'on en juge par le tableau de l'Égypte que fait Cléopâtre à sa confidente Iras dans l'ennui de l'attente d'Antoine. Iras doute des dieux, mais non de sa puissance. Il reviendra par mer. Un messager romain a dû le rencontrer d'ailleurs en chemin. Deux vaisseaux de César l'attendent dans la rade. Peut-être il a voulu passer par Leptastade, afin de recevoir les envoyés au port. Mais que lui veut César? Dieu, s'ils étaient d'accord! Pour chasser de ses mers l'héritier de Pompée et reprendre sur lui la Sicile usurpée, il a besoin d'Antoine. Il presse son retour. Rome, qui me connaît, a peur de son amour. J'ai hâte de le voir. Oh, comme l'heure est lente! Et que cette chaleur sans air est accablante! Pas un nuage frais dans ce ciel toujours pur, pas une larme d'eau dans l'implacable azur. Ce ciel n'a point d'hiver, de printemps ni d'automne. Rien ne vient altérer sa splendeur monotone. Toujours ce soleil rouge à l'horizon désert, comme un grand œil sanglant sur vous toujours ouvert. De ce constant éclat, l'esprit rêveur s'ennuie. Et moi, pour voir tomber une goutte de pluie, Iras, je donnerai ces perles, ce bandeau. Ah, la vie en Égypte est un pesant fardeau. Bah, ce riche pays a tant de droits célèbres, et pour moi, jeune reine, un royaume funèbre. On vante ces palais, ces monuments si beaux, mais les plus merveilleux ne sont que des tombeaux. Si l'on marche, l'on sent, sous la terre endormie, des générations d'immobiles momies. On dirait un pays de meurtres et de remords. Le travail des vivants, c'est d'embaumer les morts. Partout dans la chaudière encore qui se consume, partout l'âcre parfum du naphte et du bitume, partout l'orgueil humain follement excité, luttant dans sa misère avec l'éternité. Des peuples disparus, qu'importe ces vestiges, arts monstrueux, jeux et vains et faux prodiges. Tout dans ce pays, tout est odieux pour moi, tout jusqu'à ses beautés m'inspire de l'effroi, jusqu'à son fleuve illustre, énigme dans sa course, dont depuis 3000 ans on cherche en vain la source. Son bonheur même a l'air d'une calamité, car le sombre secret de sa fertilité n'est pas le don du sol, l'heureux bienfait d'un astre. Cette fécondité naît encore d'un désastre. Il faut, pour qu'il obtienne un éclat passager, que son fleuve orgueilleux daigne le ravager. Il perdrait tout, sa gloire et sa fortune étrange, si ce fleuve, un seul jour, le refusait sa fange. Oh, c'est triste pour moi d'avoir devant les yeux toujours ce fleuve morne aux flots silencieux, et regardant monter cette onde sans rivage, de mettre mon espoir en d'éternel ravage. Le monologue d'Antoine, après la bataille d'Axium, a des accents de Corneille. Axium, Axium, depuis ce jour je pleure. Implacable destin, rends-moi cette heure. Ce moment ne peut-il jamais être effacé? Ne pourrons-nous jamais rien reprendre au passé? Je donnerai ma vie et mes 30 ans de gloire pour arracher ce jour aux pages de l'histoire. La gloire, c'était là mon rêve le plus beau. La gloire qui fait vivre au-delà du tombeau. Être pour l'avenir un immortel exemple, avoir dans son pays une colonne, un temple, c'était là mon orgueil. Et j'étais parvenu à gravir dans la gloire un sommet inconnu. Tout jeune, je faisais admirer mon courage. Comme un vaillant aiglon, j'aspirais à l'orage. Ma mère, il m'en souvient, j'étais encore enfant, me contait les exploits d'Hercule triomphant. Au superbe récit de cette noble vie, mes yeux brillaient d'orgueil, d'espérance et d'envie. Et ma mère joyeuse, en me tendant les bras, disait « C'est ton aïeul, et tu l'égaleras. » Et moi, j'entrevoyais une sublime tâche. Qui t'aurait dit alors que tu couvais un lâche, et que ce fils, objet d'un orgueilleux amour, dans un combat fameux, devait s'enfuir un jour? Il est heureux pour toi de dormir dans la tombe, mais pour grandir, Octave, il faut que je tombe. Ma lâcheté d'un jour fait sa valeur à lui. Et s'il a triomphé, c'est parce que j'ai fui. Ô Cicéron! Jamais ta haine invective ne descendit si bas que l'opprobre où j'arrive, tu m'accusais d'orgueil, de rêve ambitieux, d'infâme cruauté, de vol audacieux, d'attentat qui souillait la majesté romaine. Jouis, j'ai dépassé les désirs de ta haine, triomphe dans ma honte. Implacable orateur, c'est moi qui me suis fait mon propre accusateur. La force dans la tragédie, une finesse féminine dans la comédie, se révélait à chacun de ses nouveaux ouvrages. Mais son véritable triomphe était la conversation. Son génie était un de ces génies qu'il faut lire sous la physionomie, dans les yeux et dans le son de la voix de l'auteur. Leur meilleur ouvrage, c'est eux-mêmes. Il n'y a pas d'édition de leur esprit qui vaille une soirée passée au coin de leur feu. Hélas, nous ne n'y assoirons plus. De tous ces familiers, ou aimables ou célèbres, que nous y avons aimé, admiré ou entrevu, elle était le lien brisé, le faisceau s'est dispersé. Il se passa de longues années avant que j'eusse l'occasion de la revoir. Elle avait rempli ses années de bonheur, de vers et de célébrité, des volumes de poésie, des romans de caractère, des articles de critique de mœurs qui rappelaient Addison ou Sterne, des tragédies bibliques, où le souvenir d'Esther et d'Athalie lui avait rendu quelques retentissements lointains de la déclamation de Racine, des comédies où la main d'une femme adoucissait l'inoffensive malice de l'intention, enfin des lettres parisiennes, son chef-d'œuvre en prose, véritable page du spectateur anglais, retrouvée avec toute leur originalité sur un autre sol. Tout cela avait consacré en quelques années le nom du poète et de l'écrivain. Sa jeunesse avait mûri sans rien perdre de sa fraîcheur et de plus, par une exception que méritait son caractère, en acquérant beaucoup d'éclat, elle n'avait pas perdu une amitié. Telle, on la retrouve après la révolution de 1830. Cette révolution troubla sa vie comme elle avait troublé le monde. La jeune femme poète sentit dans son bonheur obscur le contre-coup de la chute des rois. Tout se tient dans ce triste monde, le nid d'hirondelle est entraîné dans la chute des palais. Monsieur de Girardin avait créé un grand organe politique, la presse, puissance d'opinion qui comptait avec les puissances de fait. Mais en même temps qu'il est une puissance, un journal est un tourbillon autour duquel se groupent et s'entrechoquent les ambitions, les passions, les haines et les envies de tout un siècle. La plus affreuse mêlée de sang sur un champ de bataille n'approche pas de cette hideuse mêlée d'encre qui tache les combattants des partis divers dans ces ateliers de la politique. Les noms s'y pulvérisent dans le choc des idées ou des systèmes. Le nom même d'une femme peut-être, comme ceux de Madame de Staël ou Madame Roland, entraîné sous l'engrenage et profané jusqu'à l'insulte ou jusqu'à l'échafaud. Madame de Girardin seule fut préservée de ces éclaboussures des passions par la douce impartialité de son cœur. Elle ne se mêla jamais au combat, pour rester toujours chère au vainqueur, secourable au vaincu. Les hommes les plus opposés à la politique de son journal recherchaient le charme de son salon. C'était un de ces territoires qu'on neutralise pendant la guerre entre deux armées, pour traiter de la paix et de l'amitié future après les hostilités. Quant à elle, elle se réfugia de plus en plus dans les lettres, pour mieux constater son alibi, dans les blessures que les différents partis se faisaient à deux pas d'elle. Aussi ne la rendit-on jamais responsable des amertumes que la plume des écrivains politiques répand dans le cœur des hommes du parti contraire. Elle savait quelquefois s'irriter, jamais haïr. Cet asile qu'elle s'était réservé dans son talent poétique profitait tous les jours davantage à ce talent. Quelque temps avant la révolution de 1848, elle s'éloigna de Paris au premier murmure de la tempête qui couvait dans les âmes. Elle vint passer une fin d'été dans ma solitude au milieu des bruyères de Saint-Point. Elle écrivait alors, avec une verve virile, sa belle tragédie de Cléopâtre, dont le style a la solidité et le poli du marbre. Je n'oublierai jamais l'inspiration de son visage et l'émotion de sa voix, quand elle nous lisait le jour ce qu'elle avait composé la nuit. C'était ordinairement le matin, à l'ombre d'un toit de mousse, qui couvre un pan du verger en pente, dont le regard plane sur une vallée de tempête en face de sombres montagnes. Rien n'y troublait le silence, si ce n'est le sourd murmure du ruisseau sous les sols, des bourdonnements d'abeilles dans les sainfoins et quelques gazouillements de linottes importunes sur les arbres. Ces beaux vers faisaient taire en nous tous ces bruits du dehors. Les insectes cessaient de bourdonner près de la ruche. Son visage, encadré de chèvrefeuilles et de vignes vierges, respirait plus de poésie encore que ses vers. Ce furent ses derniers jours de calme. Ce furent aussi les miens. Quelques mois après, nous étions en pleine rue, opérant cette grande évocation de la raison publique et ce grand sauvetage d'une nation après ce grand naufrage d'un gouvernement. Madame de Girardin n'était d'aucun parti préconçu en politique. Ses instincts non raisonnés, si elle n'avait écouté que l'instinct, l'auraient plutôt reporté de regrets et d'affection vers la Restauration. On est toujours du gouvernement où l'on fut belle. Elle avait été belle, heureuse, aimée, encensée sous le gouvernement de ses beaux jours. Elle ne s'était jamais attachée au gouvernement de Juillet. Ce régime avait péri du prosaïsme. Elle sentait l'impossibilité de couronner alors Henri V. Mais la possibilité de couronner le peuple s'il avait voulu de la couronne. Le fond de l'opinion de Madame de Girardin, c'était le beau. Elle était du parti du beau en toutes choses. Rien ne pouvait être plus beau à ses yeux qu'un gouvernement de Périclès en France, gouvernement tenté sans crime après la chute spontanée d'un trône qui n'avait ni tradition ni principe. Ce gouvernement de Périclès, défendu par l'unanimité de la nation, conseillé par les talents de toutes les opinions réconciliées dans l'amour de la patrie commune et présidé fortement par un des meilleurs citoyens, régulateur temporaire de la République, lui souriait. Aussi s'intéressait-elle à cette République naissante, sortant d'une ruine qu'elle n'avait pas faite pour sauver la nation et l'Europe. Les factions trompèrent ses espérances. La nation n'eut pas la patience qui fonde et qui laisse user les difficultés. Elle ne donna pas le temps aux choses qui ne s'enracinent que par un peu de temps. Mais Madame de Girardin montra un courage mâle dans les péripéties de cette révolution. Son mari, qui avait impunément attaqué le premier gouvernement de la République, fut emprisonné par le second. L'épouse fut sublime d'angoisse, de tendresse, d'imploration, de menace, d'éloquence, en revendiquant ou la liberté de son mari ou le cachot avec lui. Tout céda facilement à ses larmes. Il y avait erreur et brusquerie, mais non sévice, dans le gouvernement du jour. Les dernières convulsions de la République expirante ne trouvèrent Madame de Girardin ni moins résolue, ni moins constante. Les secousses avaient ébranlé sa vie, mais non son âme. elle était à la hauteur de tout, même de l'exil. Madame Roland n'aurait pas mieux su mourir pour son honneur d'épouse ou pour son honneur de poète. À dater de ce jour, elle ferma son cœur aux illusions et sa porte au monde. Elle ne vit plus qu'un petit nombre d'amis de toutes les fortunes. Elle ne travailla plus pour la gloire, mais pour la nécessité. Elle fut fière de se passer de la fortune en se suffisant par son travail. De grands succès sur la scène récompensèrent son courage. Elle en préparait dans le silence de plus important et de plus durable. Son esprit observateur et pénétrant ourdissait un de ces grands drames de caractère qu'elle avait la force de nouer et de dénouer d'une main sûre. Elle étudiait pour cela Balzac, ce Molière intarissable du roman. Son salon, autrefois si peuplé, n'était plus que l'atelier d'un grand artiste. On l'y trouvait presque toujours seul, la plume à la main, le visage trop pâli ou trop coloré par le feu de la composition. Elle quittait tout pour causer, avec une liberté et une promptitude d'esprit qui faisaient de sa conversation le plus délicieux de ses talents. Toujours rieuse, jamais acerbe, elle ne permettait pas à son esprit de railler jusqu'au sang. Elle avait le cœur brusque, mais bon, cette brusquerie de son cœur donnait plus de franchise à ses amitiés. On était plus sûr de sa sincérité en éprouvant ses douces colères. Elle était incapable de flatter même ses amis. Ceux d'entre eux qui l'ont vue comme moi dans ces derniers temps étaient frappés du caractère solennel, majestueux et serein qu'avait contracté sa beauté plus mûre. Elle ressemblait à la Niobé, cette mère des douleurs du paganisme. Elle pleurait les enfants qu'elle n'avait pas eus. Une maternité d'adoption trompait ses regrets. Elle aurait été une grande mère pour un fils, elle aurait eu le lait des lions, car le trait dominant de son caractère, c'était l'héroïsme. Rien n'annonçait une décadence dans la vie énergique dont elle paraissait débordée. Ses cheveux étaient aussi touffus, aussi blonds, ses bras aussi beaux, ses traits aussi fins. Le regard aussi resplendissant de lumière et d'âme. Le verre était dans le cœur. Elle était allée respirer l'air des bois à Saint-Germain. Tout à coup, on apprit qu'elle se mourait. Ramenée de Saint-Germain à Paris pour y mourir, où elle avait chanté et aimé, elle parut reprendre haleine un moment sur cette pente du tombeau. La porte de sa maison sur l'avenue des Champs-Élysées s'entr'ouvrit à un battant pour quelques amis. Je fus du nombre, j'y courus. La dernière fois, on me fit entrer dans une petite salle basse du rez-de-chaussée. Elle s'était réfugiée pour éviter le bruit des ouvriers qui renouvelaient ses appartements et son jardin. J'y trouvai un jeune écrivain, d'âme sensible, de main magistrale, qui ne rougit ni d'aimer ni d'admirer, Paulin de Limérac. Une femme qui a perdu son sexe dans la mêlée du génie, comme les héroïnes du Tasse, Madame Sand. Ils étaient seuls avec elle, dans la demi-ombre d'une chambre de malade. Ils parlaient bas. Leurs deux physionomies exprimaient ce sentiment complexe de l'amitié qui veut rassurer, de la compassion qui souffre et qui doute. J'admirais ce hasard qui réunissait ainsi, dans un espace de 4 pas carrés, 4 âmes de nature diverse, presque inconnues les unes aux autres, mais dont chacune avait un empire au dehors sur une région de l'intelligence humaine. Ces royautés d'esprit, cachées sous les plus humbles costumes, semblaient devant cette mourante oublier leur talent et ne sentir que leur âme. C'est le beau moment des fortes natures. Quand la vie disparaît, toutes les petites passions disparaissent avec elle. Il ne reste que de grandes pensées sous des noms d'hommes ou de femmes qui secouent la poussière du monde et qui contemplent leur néant en face de Dieu. Auprès du lit d'un mourant, il n'y a plus de siècle, il n'y a plus que l'éternité. Malgré le froid de la saison, une grande porte vitrée était ouverte sur une petite cour fermée de tous côtés par de hautes murailles. Au milieu de cette petite cour, une fontaine en marbre distillait mélancoliquement un filet d'eau sonore. Une pluie fine, semblable à un brouillard liquéfié, tombait froide et sans bruit sur les dalles de la cour. Cette pluie ajoutait au frisson de l'âme, le frisson du ciel. La malade était étendue à demi sur un canapé placé en plein air, sur le seuil de la porte-fenêtre, entre la chambre basse et la petite cour, afin que la fraîcheur de l'atmosphère et le bruit de l'eau l'aidassent à respirer plus largement l'air qui manquait à sa poitrine. Je la trouvais peu changée. Elle avait maigri pendant son séjour à Saint-Germain. Mais une coloration plus vive de ses joues, un éclat plus vif de ses yeux, un repos plus visible de ses traits, un timbre plus naturel de sa voix, me remplissait de l'illusion d'une convalescence. La conversation fut souriante, légère, affectueuse, telle qu'il convient auprès d'un malade qui reprend la vie et à laquelle il ne faut donner que ces mouvements doux de l'esprit et du cœur qui bercent l'âme comme dans ce second berceau de la mort. Elle y prit part avec cette même élasticité de sentiments et de conversations qui couvrait d'intérêt ou de gaieté même un fond de tristesse. Nous abrégeâmes la visite dans la crainte de la fatiguer. Nous nous retirâmes un à un, sans bruit, comme des amis discrets qui emportent une bonne espérance et qui craindraient de la perdre en se la confiant. Ce fut notre dernier serment de cœur et notre dernier serment de main. Nous apprîmes avec stupeur, le lendemain, qu'elle avait expiré sans faiblesse et sans larmes, entre les regrets qu'elle laissait sur la terre et les espérances qu'elle avait depuis longtemps placées au ciel. Quand le bruit de cette mort se répandit dans Paris, on crut sentir que le niveau d'intelligence, de sentiment et de gloire du siècle avait baissé en une nuit d'une grande âme. Ceux qui ne la connaissaient que de nom la pleurèrent, ceux qui l'aimaient ne s'en consoleront jamais. Ces obsèques furent le triomphe de la douleur publique. Les salons mornes, où tout le siècle avait passé, sous le charme de son entretien et surtout de sa bonté, les cours, le jardin, l'avenue même des Champs-Élysées, n'étaient pas assez vastes pour contenir l'immense concours d'hommes de cœur et d'hommes de nom qui se rencontraient sans être concertés au pied de ce cercueil. Chacun y apportait un tribut, un souvenir, un charme, une piété, presque une reconnaissance, pas un seul, une amertume. Elle n'avait offensé qu'un seul homme dans sa vie, et c'était pour défendre son mari. Il faut effacer ces vers de ses œuvres, car la plus petite vengeance ne monte pas au ciel avec nous. Mais la sainte colère de l'amour est-elle une vengeance ou une vertu dans un cœur d'épouse? N'importe, effacez-les. Ce tronçon brisé d'armes politiques ne sied pas sur une tombe de poète, encore moins sur une tombe de femme. Plaire, aimer, pardonner, ce fut toute sa vie, que ce soit aussi toute sa mémoire. Dans une lettre jointe à son testament, et qui m'est communiquée par sa sœur, il y a une prière et un reproche sortis du tombeau auquel j'aurais été plus sensible si je l'avais mérité. « Priez, dit-elle à son exécuteur testamentaire, monsieur de Lamartine, d'achever mon poème de la Madeleine, auquel il manque des chants, et qui est celui de mes ouvrages poétiques auquel j'attache le plus de ma mémoire. J'attends cela de s'en souvenir pour moi. J'ai beaucoup espéré autrefois de l'amitié de monsieur de Lamartine. Je l'ai trouvé toujours gracieux et bon avec moi, mais jamais complètement dévoué. Cette froideur a été mon premier désillusionnement dans la vie. Quand je serai morte, il ne me refusera pas d'exaucer le dernier vœu de mon cœur. Hélas, la prière arrive trop tard pour être exaucée. La sève des beaux vers tarit avec le printemps comme celle des roses. Le poème commencé par une main, achevé par l'autre, ne serait plus qu'un lugubre concert à deux voix, dont l'une est morte et dont l'autre est éteinte. Ce poème religieux s'achèvera par elle dans le ciel. Je n'y toucherai que pour le décorer sur la terre. Et quant au tendre reproche qu'elle m'adresse du fond de son cercueil, sur la froideur et sur la déception de mon amitié pour elle, ce reproche serait pour moi un cruel remords si ce n'était un malentendu de nos deux existences. Dans la jeunesse, nos cœurs remplis d'autres sentiments ne pouvaient se rencontrer que dans des inclinations d'esprit un peu tièdes qui ont la température des convenances et non la chaleur des grandes affections. Plus tard, la politique domestique de sa maison, qui n'était pas toujours la mienne, commanda quelques réserves réciproques dans notre intimité. Je la vis rarement, et comme on voit en trêve une amie d'une autre faction entre deux combats. Le respect de ma propre cause me défendait une trop grande assiduité dans son salon. Son nom se confondait avec le nom d'un homme d'idées éminent, souvent bienveillant pour moi, quelquefois hostile à mes amis. Mais jamais mon amitié réelle, constante et tendre, ne souffrit de cette réserve, et quand nous nous retrouverons dans la sphère des sentiments sans ombre et des amitiés éternelles, elle reconnaîtra qu'elle n'a laissé à personne, en quittant cette boue, une plus vive image de ses perfections dans le souvenir, une plus pure estime de son caractère dans l'esprit, un vide plus senti dans le cœur, une larme plus chaude et plus intéressable dans les yeux. Mais reprenons l'entretien littéraire que cette larme a trop interrompu.